L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. La compagnie de l'instant vous donne rendez-vous ce 9 novembre à la MJC Bazin pour un nouveau spectacle qui s'appelle Duel. Nous allons parler de tout ça en compagnie de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Yves. Pour présenter cette compagnie d'abord, avant de parler du spectacle en lui-même, la compagnie de l'instant qui existe depuis quand ? Alors depuis février 2018. Donc c'est relativement récent ? Oui, on est une toute jeune compagnie, on est 4 compagnons d'improvisation, on a commencé à Improdisiaque et en fait on avait envie de se lancer dans quelque chose d'un peu plus du long forme, se faire plaisir à nous 4 parce qu'on s'entend bien hors et sur scène. Oui. Et puis de pouvoir jouer voilà, ce qu'on a envie et surtout avec qui on a envie parce que le principe c'est qu'à chaque fois on invite... d'autres personnes, d'autres compagnies. Alors, on va présenter peut-être, donc il y a Audrey au sein de la compagnie, il y a qui d'autre ? Oui, alors il y a Hélène, Stéphanie et Nicolas. Donc tous les quatre, vous venez du spectacle d'impro à la base. Vous étiez Improdisiaque avant, c'est ça ? On était Improdisiaque, on y est toujours d'ailleurs. Oui. Je ne change pas l'équipe qui gagne. Donc on est toujours Improdisiaque et puis à Improdisiaque, on faisait beaucoup de matchs. Et on a commencé Improdisiaque à faire un peu des concepts, des choses un petit peu plus... On avait des relations avec des personnages qu'on gardait plus longtemps, ça nous a bien plu. Et donc, on avait envie de développer ça entre nous. Voilà, donc d'où la création de cette compagnie de l'instant, donc l'instant pour l'improvisation, c'est ça ? C'est de là que ça vient, tout simplement ? Oui, c'est exactement ça. C'est l'instant, c'est-à-dire que voilà, les histoires sont éphémères et elles existent ni avant ni après, juste sur le moment, juste dans l'instant. Et les spectacles que vous proposez maintenant au sein de la compagnie de l'instant, donc c'est des formats un peu plus longs, parce qu'un sketch d'improvisation dans un spectacle d'impro, c'est très court, c'est quelques minutes à peine. Oui, c'est exactement ça. Et nous, en fait, on propose des spectacles entre 45 minutes et 1h30, suivant les demandes. Et donc, en fait, le principe, c'est que pendant ces spectacles, on a un seul et même personnage. Mmh. Donc, suivant les concepts, on va partir souvent, on demande un peu... une impulsion du public, et puis donc on a notre personnage, et puis on va établir des relations avec les autres et faire évoluer les relations pendant l'heure du spectacle. Alors pour parler du spectacle qui approche, hein, parce que c'est le 9 novembre prochain, donc à la MJC Bazin, ouais. Ça s'appelle Duel. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui va s'y passer ce samedi ? Alors en fait, donc on a 3 personnes de la compagnie de l'instant qui vont être sur scène, avec 3 personnes du Bordel de Metz, qui est une autre compagnie d'improvisation. Et en fait, le public va former des duos. Et ensuite, chaque duo va avoir, pareil, donné par le public. Alors, il y a un duo qui va avoir une relation imposée, un duo qui va avoir un lieu emblématique de leur relation et un troisième duo qui aura une annonce à faire pendant le spectacle. Et ensuite, chaque duo a 20 minutes de jeu. Donc, par exemple, le duo A commence. Ils font une scène qui dure à leur convenance. Quand ils s'arrêtent, on arrête leur chrono. Et le deuxième duo fait son histoire. Quand il s'arrête, on arrête le chrono. Le troisième duo prend la suite. Donc c'est toujours dans le même ordre. Et donc à chaque fois, on va donc être le public et donc emmené sur 3 histoires complètement différentes qui n'ont absolument aucun lien. Et donc chaque duo va évoluer pendant 20 minutes, va leur présenter son passé, son futur, son présent, qui ils sont l'un pour l'autre, etc. C'est un concept que vous avez déjà proposé, ça ? On l'a joué déjà, oui, alors c'est un concept de Nicolas, et on l'a déjà joué avec Improdisiaque. Donc ce sera ce samedi à la MJC Bazin, donc Bazin. À partir de 20h30, hein, c'est bien ça ? 20h30, tout à fait. Voilà, et il y a d'autres projets, d'autres spectacles de programmés à venir ? Alors oui, on a sur notre page Facebook Compagnie de l'Instant, vous pouvez trouver toutes les dates de l'année. On a 6 dates à la MJC Bazin, donc la prochaine c'est au mois de janvier. Et ensuite on propose aussi des impro jardin, c'est plutôt en été, ou impro appartement en hiver, c'est-à-dire que on peut nous inviter. Par exemple, là, hop, c'est quelqu'un à un jardin, il nous invite, il choisit la date et il choisit le nombre maximum d'invités. On n'ouvre pas sur Facebook, hop, admettons 15, hop. Une fois qu'on a les 15 personnes, on leur envoie l'adresse en privé, hein, c'est l'adresse n'est jamais postée sur Facebook ni ailleurs. Mmh. Et donc, on fait, voilà, l'idée, c'est on amène un spectacle chez vous et avec votre public. Et puis, donc, c'est un moment convivial. Après, on prend le temps de manger un morceau tous ensemble. C'est assez sympathique. Voilà, donc c'est un concept plutôt original d'avoir son spectacle à domicile. Exactement. Donc, pour tout ça, il suffit de vous contacter via la page Facebook. Pour le spectacle de ce samedi, il est peut-être aussi nécessaire de réserver sa place. C'est pas obligatoire, mais c'est assez important parce qu'en fait, il y a une jauge qui est assez petite. Donc, c'est juste si on doit rajouter des chaises, enfin voilà, pour bien installer les personnes, c'est mieux de réserver. Pareil via la page Facebook, hein, en message personnel ou nous envoyer un mail. Enfin, en cherchant Compagnie de l'Instant sur Facebook, on a toutes les informations. Et comme ça, nous, ça nous permet aussi de savoir combien de personnes on aura, etc. Ce qu'on n'a pas dit, c'est le tarif. C'est 5 euros la place ? C'est 5 euros. Voilà, c'est donc ça. C'est super accessible. Ouais, complètement. L'idée, c'est pas du tout, voilà, c'est justement de se dire, bah voilà, quand on va au cinéma, c'est plus cher. Donc là, déjà, c'est 5 €, c'est correct, on y va, on sait pas ce qu'on va voir, on sait pas ce qui va se passer, puisque même nous, on le sait pas. Et donc, on découvre, on a un petit spectacle d'une heure, et puis ensuite, on a un petit, on offre au public un petit verre de l'amitié, histoire de partager un petit peu les ressentis de chacun suite au spectacle. Duel, donc c'est ce samedi à 20h30 à la MJC Bazin, 47 rue Henri Bazin, avec la compagnie de l'Instant. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Yves. Merci, Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.